Bonjour à tous de Calais, où une partie de l'équipe Tranche d'Anard se retrouve actuellement pour récolter des informations sur la situation actuelle à Calais. Voici notre reportage. Des amis à Bruxelles qui hébergent des migrants, surtout des jeunes soudanais, nous racontons que le nombre des migrants qui viennent à Parc Maximien a augmenté récemment de 400 à 600 personnes. Mais que les migrants restent aussi plus longtemps à Bruxelles, car les derniers temps, c'est plus difficile de nouveau pour arriver en Angleterre, apparemment. Seulement une personne des cinq jeunes qui ont logé chez eux a pu arriver en Angleterre. Cette information nous a motivés encore plus pour aller encore une fois à Calais, pour aller parler avec des Calaisiens solidaires aux migrants sur la situation actuelle à Calais au niveau humanitaire mais aussi politique. Les migrants même, nous n'avons pas pu interviewer, mais nous avons eu l'autorisation de reprendre des interviews avec les migrants en arabe et traduit en français d'un projet radio de l'association Secours catholique, qui ont reçu une studio radio mobile créée par des étudiants d'une lycée technique avec laquelle les migrants peuvent faire leur propre émission radio. On va commencer avec les extraits du projet radiophonique Microcon de Calais. Ensuite, l'interview avec Magrette, bénévole secours catholique. Puis, l'interview avec Laurent, un des militants politiques à Calais, qui a été inculpé par Madame le maire Natacha Bouchard de diffamation parce qu'il a collé des affiches. Des affiches reprenaient simplement le jugement rendu par le tribunal d'administration de Lille. Bonne écoute. Ok, قبل ما نعرف الحاصل مع استاذ ابو خالد عايزين نعرف قصه اخونا ادهم. Avec Adam, on aimerait bien savoir voilà, ta vie un petit peu, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais tout court à Calais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أنا أتهم الفاتح، جيت شهر 2016 أوروبا لمشاكل اضطرتني أنه أركب البحر بليبيا، خديت حياتي في كفة، قلت أمشي أبني لي حياة جديدة من المشاكل، فقدت أسرتي في السودان، قررت أنه أنا أجي أبني حياة جديدة، حياة حميدة أي شخص يتمناها. جيت أوروبا حسي لي سنة وثمانية شهور، ما لقيت الحياة اللي أنا أصلا جاي لها، ولا لقيت الأمان، يومي سكان الشرطة نايم في الشوارع. قدمت أسيل، بعد ستة شهور طردوني من البيت، قالوا لي دوبلين، أنت عندك دوبلين إيطاليا، والحين متواجد في كالي حاول أن أمشي الإنجليز، ما لقيت يعني ما لقيت الحماية اللي أنا جاي لها، لا في إيطاليا لا في فرنسا. شكرا جزيلا. J'ai quitté mon pays en 2016. C'était très dur. J'ai beaucoup souffert car j'ai perdu toute ma famille. Et je suis arrivé en Europe via la Libye. Ici, en Europe, c'est la souffrance. En Italie comme en France. En Italie, j'étais forcé à laisser mes empreintes. Et c'était un trauma pour moi. J'étais maltraité et c'est pour ça que j'ai choisi de quitter ce pays et de choisir une autre terre. Et c'est pour ça que c'était la deuxième destination, la France. J'essayais, c'était ma volonté aussi de demander de l'asile en France parce que je voulais rester ici et de construire une vie. Sauf qu'après 6 mois de ma demande, j'ai eu on m'a demandé clairement de quitter la France pour rentrer de nouveau en Italie. Et je sais très bien qu'en Italie, ça va être très difficile, ça va être la misère pour moi. Et c'est pour ça aussi que je choisis de... J'avais pas de solution et j'étais obligé de venir ici à Calais pour tenter ma chance et traverser la mer pour arriver en Angleterre. طيب بعد ما سمعنا كلام أدهم، أنا كشخص لاجئ وعارف التجربة والمعاناة، فعايز أسأل أخوي أبو خالد عن كيف كانت الخروج من البلد الأصل والمعاناة طول مسار الرحلة، فيحكي لنا. C'est Emad. Et voilà, je pose une question à Emad. Si tu peux nous raconter un petit peu de ta vie au Soudan, comment tu as quitté ton pays et pourquoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous étions petits en Libye. Nous n'avions pas eu de chance de sortir de Libye. Parce que nous avions une famille au Soudan. Nous étions travaillés en Libye. Mais le situation est en Libye, un situation sale. يعني انت بتطلع من اي شارع ممكن ما تجي راجع، تمسكك العصابات في الشارع يعني يستنزفوك قروشك، يحتغلوك بطريقه غير شرعيه وضرب واهانه وكده. يعني اللي احنا لقينا طريق انه الواحد يرجع لبلاده رغم انه بلادنا كلها مشاكل، ولقينا طريق انه نستقر نحن في ليبيا. يعني انا سجنت في ليبيا سنتين بدون اي اسباب، ما في سبب واحد انه هو انا سجن فيه. بحتى بيتي في السودان عشان أدفع أنا قروش عشان أنا أطلع من السجن اللي أنا فيه، كان خدتين علي فدية، وبعدها دفعناه وما في وسيلة لا تمشي على مصر ولا تمشي على السودان، هي مسكرة بالعصابات، ونفدنا بجلدنا جينا أوروبا هنا أساس إنه يعني الواحد يعيش بعد حياته وكده. فلقينا نفس الحياة في ليبيا، يعني ما فيها فرق من يعني في أوروبا، نفس يعني أوروبا البوليس فيها وديك ليبيا عصابات، هنا البوليس بيمسكنا في الشارع بيودينا بيسجننا بدون اي اسباب، يسجنك 7 يوم يقول لك عليه اطلع. فيعني هو السجن هل هو مشكله للاجئ انه كل يوم مره يسجن في السنتر لكذا يوم ويفكوه؟ هذا علاج يعني للاجئ؟ فاحنا نتمنى انه يعني يعجلوا لنا مشاكل، اذا فرنسا بتحل لنا مشاكلنا كلاجئين احنا ما عندنا مانع، احنا في النهايه دارين حمايه، لكن هنا حمايه ما بيدونا اصلا، فما عارف بيقول لكم بلادكم امنه. الان في الخرطوم الاف المجازر الان موت في الشوارع، هم ما جايبين اصلا حاجه، بيقول لك البلد امنه على حس انه الحكومه السودانيه بتقول في امان، ما في امان اصلا. فنتمنى انه يحلوا لنا مشكلتنا اذا في فرنسا او اذا العبور الى انجلترا. شكرا. Donc, en fait, oui, je suis soudanais. Et comme vous le savez, le Soudan, c'est un pays qui souffre d'énormément de problèmes. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays pour aller travailler en Libye, pour gagner un peu d'argent. C'était le cas, sauf que petit à petit, il y a eu, il y a eu des problèmes de nouveau en Libye. Et c'était la souffrance. On m'a mis dans la prison, et je ne sais pas pourquoi, pour aucune raison, et j'étais obligé de payer pour sortir. Et c'était l'harcèlement, on était très maltraités. Je ne veux pas parler d'esclavage, je ne veux pas parler de souffrance, mais je peux vous dire que vraiment j'étais très maltraité et je souffre encore. Après ma sortie de prison, je voulais partir en Égypte ou au Soudan, mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait des gangsters partout en Libye. Donc ce n'était pas possible de quitter la Libye et de rentrer au Soudan ou même d'aller en Égypte. Donc la seule solution, c'était d'aller en Europe avec beaucoup de rêves, avec beaucoup d'espoir de trouver une nouvelle terre, de trouver une vie humaine. Et malheureusement, je retrouvais une deuxième Libye. Ce que j'ai vécu là-bas, ça se passe exactement de nouveau ici. Et il y a la violence, il y a la violence policière, et il y a le racisme, il y a la maltraitance. Et si la police nous torture et nous met dans la prison pour 7 jours, après nous le relâche, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis criminel? Ça, c'est une question, et j'aimerais bien vous poser cette question. Est-ce que je suis exilé en France est considéré comme un criminel maintenant, aujourd'hui? La France, malheureusement, nous ne nous accepte pas. Et si elle nous accepte. لقد حان الأوان إلى خلق النظام. لا للديكتاتورية، لا للحكومة السيادية، لا للسلطة الأبدية، نحن نريد الحرية. لا للديكتاتورية، لا للحكومة السيادية، لا للسلطة الأبدية. يلا حان الأوان، هذا وقت الشباب، هذا وقت الرجال، هذا وقت الأسود التي تمزق حبال. نحن كوحدة قوة تبقى تحرك جبال. إلى متى نخان؟ إلى متى من حكم ديكتاتوري نهان؟ في هذه الأرض سنة كما تدين تدان، في هذه الأرض حكمة كما تعين تعان. فقد حان الأوان إلى خلق النظام، ومن عاش جبان فقد راض الظلام. إلى متى نكون فقط قوم الكلام؟ إلى متى نساق وفي الفم اللجام؟ وبالفم نهان وبالهم نعان. لقد سالت عيون دمعا من سيل الدمام. لقد عشنا قرون على حلم السلام، على حلم الأمان، على قهر النظام. فقد حان الأوان لكي نقوم. لا للديكتاتورية، لا للحكومة السيادية، بغدادي ولا بحجة بغدادي. لا للديكتاتورية، لا للحكومة السيادية، لا للسلطة الأبدية، نحن نريد الحرية. بقول كل كبرياء كلمة طالعة من ضميري صاعدة للسماء الحالة وصلت حدة والشعوب قالت كفاية حكامنا تقرصنوا والبلطجة بقت هواية لو كان ضميرك صاحي ما كان خفت في البداية شوف المراية عاين حتلقى نفسك ما معايا أنا الشعب الرفض خوف وطلع يقاوم لو كنت فاهم الكرسي مسخرة ما شفنا مرة دايم مزرع عرايس والقيود في يد أبد تسالم هبر على الورق وين الضمير تسيده نايم ضباب كثير والمصير مجهول في الظلمة عايم بلد مقسمة عصابة منتهى الجرايم ديمقراطية بالاسم والقمع لسه قايم ما في السلاح حارود عليك يسموك حاكم بجملة واحدة ما تبرد عليك من غير شتايم ميزنا نحن ربنا بعقل على البهايم كل الشعوب الأخرى تحترق في كان السماء تظل هكذا في هذه الوحدة المجهولة الحرب الدينية في جنوب السودان أصبح الزاهد إلى هناك في قاتل ماشي للجنة والمقتول من الإخوة الجنوبيين من شعبنا ماشي للنار لذلك هم الذين أجدوا المشاعر حرب دينية يعلم كل الضرب الثاني في بلادي أنهم قادوها لحد في سنة 2005 Juvana, chua, illa, na, like a sujana. We never speak the truth, cause lisana. Lisana, who ma put ma fi amana. Amana, he ma susa fi al-corner. Al-corner, ma ujuda fi galibna. Galibna, min al-karaf gal kifaya. Kifaya, min al-zum dil-hikaya. Iza inta garfana, fa yedak fuk. Aflexa, John, and you wanna talk. Freedom, freedom, and you wanna chant. Mini, mini, mini, darkness, you wanna walk. يا حاكم محكم بعدالة قناصة شبيحة جاب منك شينة وقبيحة هذه عصابتك حلف النطيحة أحسن ترحل من غير فضيحة في أبروح ناس قالوا لا لا هرس لانو بيل قالوا لا لا كسروا الخوف بيل قالوا لا لا من غير ملطو بيل قالوا لا لا سلمية سلمية والناس بالسجون مرمية عشان بلدي تعيش محمية ماسك الماي بدل البندقية ندري بام ندري ده بيجي بوي ندري بام دان دان يوم اجي ندري بام ندري بوي بيجي بوي ندري بام دان دان ندري بام ندري ده يوم اجي بيجي بام دان دان موبا بوي ندري بام ندري دوي بيجي بوي ندري بام دان دان كل الأحزاب ارتكبت جرائم حرب ضدنا سبتنا وبهدلتنا وكرهتنا حياتنا وشردتنا فقدت امي وابوي واخواني ولا تقول لهم عشان اعيش برا عيش مكرم وحاكم تبلغ عند الاحزاب من التراث اصحابك المعز ما تخلي ولا واحد حتى عمر بتشيل حاجه نظام الانقاذ معزول وما عندي اي سند جماهير نظام الانقاذ الان باقي بالشرعيه وما واي اكاذيب يطبقوا لنا عنها انه والله ياخذ مؤتمر وطني كبير ويعاد يعمل يعني كلام فارغ لا يعاد يعمل يعني الشعب السوداني ده ما داير المؤتمر الوطني واكبر دليل تفاعل كل فئات المجتمع مع الجيل والله هي حكومه للابد والله كلامك صح كلامك حقيقي يا بابا اكبر Donc, nous sommes le mercredi 4 avril 2018, dans l'après-midi, dans l'accueil de jour du Secours catholique à Calais. Et nous avons Margaret avec nous, qui va nous expliquer un peu l'évolution, les derniers temps, de l'aide humanitaire, de la façon dont on traite les migrants. Donc, Margaret, est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Bonjour. Je suis contente de pouvoir parler à mes amis de Bruxelles, on n'est pas très loin. Et du temps de la jungle, beaucoup venaient sur la jungle. Mais elle a été démantelée en octobre de 2016. Moi, j'étais arrivée déjà un peu avant. Et donc, les migrants ont été envoyés dans tous les coins de France, dans ce qu'on appelle des CAO, des centres d'accueil d'orientation. Certains ont été contents, ont demandé l'asile et sont restés en France, mais beaucoup sont revenus parce qu'ils veulent aller en Angleterre rejoindre leur famille. Et puis, ils savent qu'en Angleterre, dès qu'on arrive, bon, on a peut-être un mois d'arrêt, mais après, on peut tout de suite trouver du travail. Et dans la rue, on n'est pas arrêté pour vous demander vos papiers puisqu'il n'y a pas de carte d'identité là-bas. Donc, petit à petit, ils sont revenus. Actuellement, je ne sais pas très bien les chiffres, mais on dit qu'il y a à peu près 400 à 500 migrants exilés à Calais. Et le double de policiers. On augmente tout le temps le nombre des policiers. Comme la politique du gouvernement, d'après ce qu'on nous a dit, ce que même des policiers nous ont dit, il faut absolument éviter un point de fixation à Calais. Donc on n'a pas réussi à les disperser vraiment, alors on va essayer de leur rendre la vie tellement épouvantable qu'ils partent d'eux-mêmes. Et c'est vrai que quelques-uns sont dégoûtés et s'en vont. Et entre autres en Belgique. Mais il y en a aussi malheureusement qui perdent un peu la tête, qui sont déboussolés. Hein. Et puis il y en a qui continuent à essayer de passer. Mais il y a aussi beaucoup de violence ici maintenant. Parce qu'il y a des luttes de mafia entre les passeurs érythréens et les passeurs afghans. Les érythréens sont plus nombreux, les afghans sont plus violents. Semble-t-il, je ne voudrais pas caricaturer des gens. Et alors, le président, M. Macron, est venu à Calais dernièrement, et le bruit a couru, je ne sais pas qui a fait courir ce bruit, que les mineurs pourraient partir en Angleterre rejoindre leur famille. Aussitôt, mais ça n'a pas été long, hein, aussitôt, il y a eu 300 exilés de plus qui sont arrivés à Calais, des jeunes et des femmes aussi, pour 2-3 jours, ils ont vu que ça ne servait à rien. Mais ça a complètement changé l'atmosphère, ça a augmenté les tensions dans les queues des gens qui attendaient pour la nourriture. Et des passeurs en ont profité. Il y a un passeur afghan qui a carrément tiré à bout portant sur 4 jeunes. Il y en a un qui maintenant est tétraplégique à vie. Après tout, quand on pense à ce jeune de 22 ans, après tout ce qu'il a fait pour traverser le désert de Libye, la Méditerranée, il se retrouve pour toute sa vie paralysé en France. C'est épouvantable. Bon. Alors actuellement, Monsieur Macron a dit que le gouvernement allait se charger de la nourriture. Très bien, on a attendu 15 jours, mais ça y est, ça commence à se mettre en place. Alors ils ont des points de distribution mobiles. Ça commence à 3h de l'après-midi jusqu'à 18h. Mais à différents endroits, il faut encore savoir où les retrouver. Bon. Et il y en a qui sont installés dans des endroits plus loin, ailleurs, et qui ne vont pas à leur distribution. D'ailleurs, les lieux de distribution, au début, c'était tout entouré de grillages, ils avaient très peur d'être pris en allant là-bas. Et puis que, profitant de ce qu'ils vont là, pendant ce temps-là, on leur prenne leurs affaires. On démolit leurs tentes, on prend leur sac à dos. Donc le premier jour, il y avait une ou deux personnes seulement qui venaient. Bon. Alors petit à petit, la vie active, qui est cette association en lien avec le gouvernement, ils ont amélioré les affaires. Maintenant, ils vont un peu plus pour manger. Il faut dire aussi que les Érythréens, beaucoup sont orthodoxes. Et là, ils sont en carême. Prépare Pâques, qui sera samedi prochain, dimanche prochain, et ils ne mangent pratiquement pas. Enfin, ils jeûnent énormément. Hein. Ils jeûnent jusqu'à 3h de l'après-midi. Il y a eu toute une douche, il y a eu aussi, mais alors c'était auparavant plus long, toute une lutte pour qu'ils puissent avoir des douches. Les associations se sont unies, ont obtenu quand même par le tribunal qu'on leur donne des douches. Mais pour aller à ces douches, il faut demander un ticket, monter dans un bus. Et il y en a qui ont peur, parce qu'entre Afghans et Érythréens et Africains, ils ont peur maintenant. Donc si les uns vont, les autres n'y vont pas. Donc il y en a qui vraiment demandent où ils peuvent aller se doucher. Heureusement, il y a beaucoup de Calaisiens qui sont très sympathiques et ouverts, qui accueillent des jeunes, soit pour qu'ils puissent dormir une bonne fois tranquille, soit pour prendre des douches. Enfin, c'est pas suffisant. Parce qu'ils sont très fatigués, parce que la nuit, ils essayent de monter dans les camions. Et le matin, très tôt, ils sont réveillés par la police, qui vient les réveiller souvent avec du gaz lacrymogène. Ça, c'est pas de la blague. Moi, j'ai vu par terre, près de leur... J'ai vu des bombes de lacrymogène cassées, quoi, qui étaient là. Il y en a même un qui en a reçu une dans la figure. Bon. Donc, la vie ici est très stressante pour les jeunes. Comme je vous disais au début, ils perdent un peu la tête. Il y en a qui ne savent plus du tout où ils en sont. Et puis, alors, ils ont quelque chose de très précieux, c'est leur téléphone, pour pouvoir rester en contact avec leur famille. Mais la police vient, arrache les téléphones, les jette par terre. Alors ils viennent nous demander, est-ce que vous n'avez pas un téléphone, c'est le cadran qui est cassé, mais on ne peut pas quand même tout le temps redonner des téléphones. De même, ceux qui sont sous des petites tentes, qui ont réussi à avoir des petites tentes ou des sacs de couchage, régulièrement, la police vient et déloge tout le monde et la mairie ramasse dans une benne d'ordures tous les sacs de couchage et toutes les tentes. Il n'y a plus qu'à recommencer à leur distribuer. Mm-hmm. Alors, soi-disant, quand les associations protestent, on leur dit, mais ils n'ont qu'à poser plainte. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent porter plainte? C'est impossible, puisqu'ils n'ont pas de papier, de toute façon. Je ne sais pas si c'est ça ce que vous vouliez savoir. Alors, comme lieu, maintenant, il ne fait pas trop froid. Mais quand il faisait très, très, très, très froid, il n'y avait pas toujours un lieu d'ouvert. Hein. Il y avait un accueil de nuit, le plan grand froid, on appelle oui, ça, non? Oui, mais certains jours, ce n'était pas tout le temps. Puis ça s'est mis en route assez tard. Et surtout, pour y aller, il fallait monter dans un bus vers 5h du soir. Et on était enfermés jusqu'au lendemain matin. Donc vous pensez, comme c'est la nuit qu'ils veulent essayer de passer, ça ne marche pas. Et en plus, ils étaient tous dans le même endroit. Donc ils ont peur les uns des autres. Donc c'était vraiment pas... Il fallait vraiment qu'ils soient très très fatigués pour accepter d'aller là. Est-ce que maintenant il y a de nouveau des petites jungles improvisées? Ah oui. Gauche à droite? Enfin, des petites jungles. Il y a des endroits bien connus où ils se regroupent parce que c'est près de l'autoroute et c'est un petit peu à l'abri des armes. Ils ont appelé ça avec humour Green Hotel. Et une fois, dernièrement, il y a eu tout un groupe de parlementaires allemands qui sont venus. Il y avait tout un groupe de petites tentes qui étaient installées, donc les parlementaires ont vu tout ça, la police était très aimable, très, très gentille. Dès le lendemain, quand les parlementaires allemands sont partis, dès le lendemain, la police a tout démoli, toutes les tentes et tout. Alors maintenant, on a demandé aux députés de France de venir voir un peu, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est pour un jeune de 14 à 25 ans. C'est des très jeunes, hein. Ce que c'est que de vivre comme ça pendant un an, deux ans, toujours dans l'espoir de passer. Et les femmes, elles n'en peuvent plus. On en a eu une petite poignée, là. Maintenant, pratiquement, presque plus. Elles vont en Belgique. C'est plus facile, je crois. Et pour les mineurs, ils font plus rien pour eux, maintenant? Parce qu'au début, il y avait quand même la promesse que les mineurs pouvaient rejoindre les familles, mais ça a été, dites, ça, il y a encore a été. Des 14 ans, maintenant. Donc ah oui, oui. Non, non, mineurs, non, rien du tout. Non, non, non. Ils les arrêtent dans la rue, puis ils leur disent, allez, go, go. Non, non, ouais. Non, non. C'est pas... Qu'est-ce que vous pensez, si vous pensez quelque chose sur le fait que Natacha Bouchard pourrait devenir la meilleure mère du monde. Il y a un concours apparemment pour le ou la meilleure mère du monde. Elle est nominée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et les gens sont tombés sur la tête. Mais en tant que secours catholique, on ne fait pas de politique, oui, quand même. Bien sûr, je comprends. Mais on réagit contre ses positions qui sont tout à fait... Mm-hmm. Elle est de droite et elle est toute... Soi-disant, tous les malheurs qui arrivent à Calais viennent de la part des migrants. On oublie de dire que tous les hôteliers font leur beurre, parce que vous pensez que tous ces policiers, il faut les loger à l'hôtel, beaucoup à l'hôtel, 65 euros minimum la nuit. Alors vous voyez, mm-hmm. ils font tout à fait leurs affaires. Ceux qui construisent toutes les barrières, tout le long de l'autoroute, tout le long de la voie ferrée, c'est l'Angleterre qui paye. Ça rapporte à la ville de Calais. Non, non, elle a reçu beaucoup, beaucoup d'argent. Et elle dit que quand ça ne va pas, c'est à cause de l'image de Calais avec les migrants. En fait, les migrants, les exilés, n'ont pas tellement le droit d'aller en centre-ville. C'est très difficile. Quelquefois, ils doivent aller à la préfecture, à Lille ou à Paris pour leurs papiers. Mm-hmm. Bon, ils n'ont pas de quoi payer. Ils ont quelquefois réussi à payer leur billet de chemin de fer, mais on les arrête à la gare parce qu'ils n'ont pas leurs papiers. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent même pas demander l'asile. On les arrête avant. C'est... Tantôt, vous avez dit que vous voulez parler un peu de la loi de Dublin. Ah oui. Ça, j'espère que la Commission européenne, je ne sais pas, au Parlement européen, on va quand même un jour réfléchir au niveau européen. Ces lois sont complètement iniques. Puisque la loi de Dublin, c'est que les exilés, dans le premier pays d'Europe où ils arrivent, on les oblige à poser leur empreinte digitale. Donc les premiers pays d'Europe, quand on vient de Méditerranée, c'est quoi? C'est la Grèce et c'est l'Italie. Est-ce que la Grèce et l'Italie peuvent accepter tous les exilés? C'est pas possible. C'est complètement injuste pour ces deux pays-là. Alors une fois qu'ils sont partis après en Allemagne, en Hollande, je sais pas quoi, s'ils demandent l'asile, on leur dit « Ah non, vous êtes dublinés, vous devez retourner en Asie, ou en Italie, ou retourner en Grèce. » Donc c'est complètement une loi inique, cette affaire-là. Puis il y a aussi une nouvelle loi, on va voir ce que ça va donner, qui voudrait accélérer les démarches. Ça, c'est bien, parce que quelquefois, on attend 7 mois pour avoir une réponse à sa demande d'asile. C'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment pour pouvoir les renvoyer à toute allure chez eux. Enfin, à toute allure, non, parce qu'on ne les renvoie pas. On leur dit, ils sont déboutés, on leur dit, vous devez pas rester en France, mais c'est tout. On les laisse vivre. Alors, ils sont là, dans la rue, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas travailler. Mm-hmm. Un exilé en France ne peut pas travailler tant qu'il n'a pas ses papiers de réfugié. Donc, ils perdent un an, deux ans. Et puis, même les cours de français ne sont pas bien organisés. Il faudrait qu'ils apprennent au moins le français pendant ce temps-là. Ah, ils sont vraiment découragés. Et puis, ils perdent l'habitude de travailler, quoi. Oui. J'en vois plusieurs, ils me disent, ben, moi, j'étais chauffeur de camion, moi, j'étais chauffeur de taxi, moi, j'étais peintre. Moi, tu peux pas travailler. Ben non, je ne peux pas travailler. Je n'ai pas mes papiers. Oui. Et comment ça se passe pour vous, comme bénévole associatif? Parce que vous dites que l'État organise maintenant, soi-disant, les repas. Est-ce que l'État vous tolère encore, vous aussi, à distribuer... Non, le Secours catholique ne distribue pas de nourriture. Non. Il y a certaines associations qui le font, parce que dans des endroits où l'État ne va pas. Mm-hmm. Justement, cet endroit qui s'appelle Green Hotel, ils sont 100, 150. L'État donne de la nourriture, mais pas à tous, et simplement à Calais. Il y a aussi toutes les petites villes autour, Dunkerque, etc. Et l'association Auberge des Migrants, qui est une grande, grande association, Utopia 56, ils font des repas pour, je sais pas, plusieurs milliers de personnes par jour. Donc, il ne faut pas dire que l'État nourrit vraiment les exilés. Ouais. Il en nourrit quelques-uns, mais c'est pas... ça a mis longtemps à se mettre en marche et ce n'est pas encore bien organisé. Ouais. Donc, pour l'instant, il ne vous l'empêche pas non plus, parce qu'il y a eu une période quand même que la police empêchait les distributions de repas à un certain moment. Je n'ai pas après le jungle, je pense. Quand le jungle était démantelé, il y avait quand même... Oui, peut-être, oui, en effet, au début, il y en a avec l'arsenic. Ces camionnettes qui étaient même avec lacrymogène attaquées et tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Non, pour le moment, non. Et donc vous organisez ici l'accueil parce que c'est assez agréable ici. Hein, c'est très agréable parce qu'on a un local très très grand, mais malheureusement c'est loin. Nous sommes au centre-ville, enfin presque, et eux ils sont à l'écart, à 5 km d'ici. Donc s'il faut faire une heure de marche aller, une heure retour, quand il fait très très froid, ça vaut la peine pour avoir au moins 3 heures de chaud avec des copains, on est en sécurité. Il y a des tapis par terre avec des oreillers pour ceux qui veulent dormir, quelques-uns. Les autres jouent, font des arts plastiques, enfin, bon. Mais il y en a même un qui fait de la coiffure, il y a des cinémas, il y a du karaté, c'est ça. Mais maintenant qu'il fait beau, bah, ils préfèrent jouer au foot là-bas, là où ils sont, sous les arbres, quoi. Ouais, je comprends. Et ils emportent quelques jeux de cartes. Vous avez aussi une salle séparée pour les femmes. Voilà, oui, on a une salle pour les femmes. Il y a quelques femmes qui viennent, là. Mais vraiment très, très peu. Parce que les femmes, c'est un problème. Il leur faut de l'argent. Comment voulez-vous qu'elles gagnent de l'argent? Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans la jungle. C'est famille, femme. Non. Pas à Calais. C'est trop dur. C'est trop dur. Ouais. C'est très dangereux pour des femmes. Mmh. Ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Bah, merci beaucoup, Margaret. Et on repassera certainement. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci à toi. اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمان يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا علي هجرني والعين اللي بكات وحالت سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي سمعهم الحبيب يعرف حوالي يا سينا فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي هي سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا آه يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا Voilà, on est toujours mercredi 4 avril 2018 et on est avec Laurent, un Calaisien qui a quelques problèmes avec la mer, ou plutôt la mer qui a quelques problèmes avec Laurent, je ne sais pas. Mais tu peux nous expliquer un peu Ah oui, c'est très simple. Comment ça a commencé, ouais. Voilà, ça fait maintenant 7 ans que je suis à Calais. Avant d'être à Calais, j'étais assez impliqué auprès des réfugiés dans un autre camp de la région qui s'appelle Noranfonte. Et avec des amis, on avait monté à l'époque l'association Terre d'Errance. Donc quand je suis arrivé à Calais, naturellement, j'ai continué mes activités militantes et bénévoles auprès des réfugiés en transit. Et puis parce qu'il y avait aussi pas mal d'amis que je m'étais fait déjà à nos rencontres, qui étaient de Calais, et donc c'était tout à fait naturel de continuer cette activité-là. Ce que je me suis aperçu, c'est que rapidement, cette activité sur Calais était souvent l'enjeu, souvent sous couvert d'enjeux éminemment politiques, parce que c'est vrai qu'on est vraiment sur, ici à Calais, sur le déploiement de beaucoup d'énergie sur la base d'idéologies, qui sont directement issus du Front National, on sait très bien, hein, c'est les notions d'appel d'air, c'est les migrants zéro, hein, c'est-à-dire c'est la déclinaison locale de l'immigration zéro, enfin voilà, c'est l'ensemble des thèses du Front National qui sont appliquées ici localement à Calais. Donc assez rapidement, je me suis aperçu que uniquement l'activité bénévole était pas suffisant, parce que c'était aussi un sujet éminemment politique, et donc il fallait aussi l'aborder sous l'angle politique. Et c'est là où ça a commencé à coincer un petit peu, parce que tant qu'on se contente de pallier les manquements de l'État en assurant le minimum sanitaire ou les barquettes, bon, ça va, ça dérange pas trop non plus les politiques en place. Quand on commence à remettre en cause directement les politiques qui sont menées ici, oui, ça dérange. Surtout lorsque ces politiques sont éminemment condamnables. Et elles sont éminemment condamnables. C'est l'ambiance. J'avais oublié. Il y a quelqu'un ? Allô ? Bon, ça va, je crois que j'ai raccroché. Et elles sont éminemment politiques. Et donc il faut finalement se battre sur le terrain politique aussi, Et c'est là où ça coince en général. Ça coince parce que, je reprends un petit peu le fil de l'idée, ça coince parce que ce sont des politiques qui sont très dures, qui sont menées ici et qui sont éminemment condamnables. Et elles sont condamnées d'ailleurs par tout le monde, hein, aussi bien les ONG que les instances internationales, que les justices françaises et européennes. Donc voilà, il y a une véritable unanimité qui vont de la Commission nationale consultative des droits de l'homme au défenseur des droits, en passant par la Cour européenne de justice, en passant par les tribunaux administratifs, le Conseil d'État. Et là, je vous cite vraiment que les instances françaises et européennes qui ont déjà condamné la politique à Calais. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont condamné la politique à Calais? Ben parce que la politique qui est menée à Calais, outre effectivement qu'elle décline les thèses du Front National, de l'appel d'air et de la non-fixation des points, oui, c'est aussi une véritable politique d'apartheid. Bonjour. Qui en découle. Est-ce que je peux parler à Laurent? Dans 10 minutes, je passe te voir, Karine. Donc c'est ma voisine. Et une baguette aussi. Et une baguette blanche coupée en deux. C'est ma voisine. Mm-hmm. Elle est épileptique et... On parlait de la résultante locale de cette politique appliquée. Alors quelle est la résultante locale? C'est la politique d'apartheid, en l'occurrence. Une véritable politique d'apartheid. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une ville de 70 000 habitants, où il y a eu jusque plus de 10 000 réfugiés dans un ghetto à l'extérieur de la ville, à 7 km de la ville. Et avec, quand je dis ghetto, c'est parce que ça correspond véritablement à la définition de ce que c'est qu'un ghetto. Hein. Il faut s'imaginer que le ghetto de Varsovie, c'était 35 000 personnes. Donc là, on est arrivé à un tiers de la taille du ghetto de Varsovie. C'était le plus grand bidonville d'Europe. Et puis le ghetto de Varsovie, c'était des immeubles d'habitants en dur. C'était pas comme ici. Entrave à la liberté de circulation, harcèlement policier toutes les nuits. Il faut quand même savoir qu'il y avait toutes les nuits, systématiquement, 70 à 80 grenades lacrymogènes qui étaient balancées sur les habitations du ghetto. À partir du moment où l'État a pris la décision d'éradiquer le ghetto et de déporter les 10 000 personnes, s'est mis en parallèle la continuité de l'impossibilité d'accès des réfugiés à la ville de Calais. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un centre-ville et une population qui est complètement déconnectée de ce flux migratoire. C'est ce que j'appelle la politique d'apartheid. C'est-à-dire qu'un réfugié, voilà, à son apparence, va se faire systématiquement contrôler par la police qui quadrille la ville. Il faut quand même savoir qu'il y a 1500 forces de l'ordre environ sur le Calaisis, ça représente un policier pour 35 habitants. La moyenne nationale, c'est un policier pour 470 habitants. Voilà, on est à un taux de policier par habitant 18 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc partout en ville, il y a des quarts de CRS, il y a la PAF, il y a la police nationale qui passe son temps à rechercher les réfugiés et à les déporter soit dans les centres de rétention de Coquel, soit à l'extérieur de la ville, soit à faire des coups de salopards comme les emmener à Trenborn et confisquer les baskets, etc. Et donc, il faut à un moment donné aussi lutter sur cet état de fait, quoi, qui est véritablement accepté par la population. Donc on a commencé par foutre partout des affiches avec le slogan suivant, c'est que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et que le racisme d'État n'est pas une politique, c'est un crime contre l'humanité, stop apartheid. Donc on avait foutu un certain nombre d'affiches un peu partout, notamment sur les vitrines des magasins vides, parce qu'en plus, au niveau économique, Calais est une catastrophe. De toute façon, tous les indices sont au rouge concernant la gestion de la ville de Calais. Donc il y a eu une première condamnation là-dessus, et puis ensuite ça a continué, la mairie a continué sa politique d'apartheid, cette politique ségrégationnaire, et en empêchant notamment le travail des associations de fournir le minimum vital aux réfugiés et de tout mettre en place pour empêcher que les réfugiés aient accès à leurs droits fondamentaux, les plus fondamentaux. Et donc tout est parti notamment de l'ouverture donc, d'un local par le Secours catholique où il y avait à disposition pour les réfugiés des douches, des points d'eau, etc. Et la mairie a foutu devant l'entrée des bennes à ordures pour en empêcher l'accès. Et, toujours beaucoup d'élégance dans leur façon de procéder. Et à la suite de ça, les associations ont attaqué la mairie de Calais justement sur la base de ces manquements, qui avaient d'ailleurs notamment été relevés et par l'UNICEF et par l'ONU, et le rapporteur de l'ONU sur l'accès aux droits fondamentaux, a encore été interpellé, est encore intervenu cette semaine d'ailleurs sur la situation à Calais et sur l'impossibilité de l'accès à l'eau pour les réfugiés. Le tribunal administratif de Lille, le 22 mars 2017, a rendu une ordonnance qui était très sévère, puisque dans le paragraphe 11, il condamne bien Madame le maire de Calais, donc qui par son action a soumis les réfugiés à un traitement inhumain et dégradant. Ça a été reconfirmé par le Conseil d'État, donc qui est la plus haute instance judiciaire en France, et donc qui a confirmé la décision du tribunal administratif de Lille. Ce qui fait que fin août, sur les panneaux d'affichage libre, avec des amis, nous avons affiché Bouchard, coupable de traitement inhumain et dégradant, et maire de Calais. C'est-à-dire que nous avons porté connaissance à la population de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille. On n'a pas été les premiers à le faire, d'ailleurs, puisque la presse locale, et un peu plus, se sont fait l'écho, évidemment, de cette ordonnance du tribunal administratif. C'est quand même pas tous les jours qu'une mère est condamnée pour traitement inhumain et dégradant, notamment sur les mineurs. Hein. On est sur de la notion de crime contre l'humanité, quand même. Donc, les journaux locaux, voilà, l'ont relayé également, cette information. Mais, bon, voilà, ça n'a pas plu, et donc, Natacha Bouchard a décidé de porter plainte pour diffamation, donc à mon encontre. Alors, ça n'a pas été simple, évidemment, de porter plainte pour diffamation à mon encontre, parce que, là, la justice, c'est compliqué, et puis, le métier de policier, ben, c'est difficile, hein. Donc, dans un premier temps, elle a envoyé un policier municipal donc, pour porter plainte pour diffamation. Et donc, le procureur a dit non, vous êtes bien gentil, mais bon, c'est Madame le maire qui a diffamé. Donc c'est elle de porter plainte. Madame le maire est allée porter plainte elle-même. C'est le commissaire adjoint, Étienne Churet, qui a pris sa plainte. Et il existe une exception dans le droit français. Une particularité dans le droit français, qui est que la notion de diffamation, c'est pas forcément d'alléguer un mensonge. On peut alléguer une vérité, mais qui peut porter atteinte à l'intégrité morale de la personne, par exemple. Sauf si on apporte les preuves de ce que l'on allègue dans les 10 jours. Donc ce que j'ai fait. C'est-à-dire que dans les 10 jours, je suis allé porter au commissariat de Calais l'ordonnance du tribunal administratif de Lille, prouvant effectivement que c'était bien une condamnation. Et le commissariat de Calais refusait de me les prendre. Donc, ils m'ont dit, il faut prendre un rendez-vous, c'est compliqué, etc. Bon, c'est toujours compliqué, donc, d'accord. Donc, j'harcèle la secrétaire au téléphone, et puis, bon, quand même, au bout de 3 jours, je dis, moi j'ai un certain délai pour vous remettre les pièces, il faut que je remette les pièces. Donc elle finit par me dire, de toute façon, les pièces, on ne vous les prendra pas, bon, vous n'avez qu'à les adresser au procureur. Bon, très bien, je lui demande quand même pourquoi est-ce que elle ne prendra pas mes pièces, et donc elle me dit, écoutez, j'ai aucune information à vous donner, le commissaire ne prendra pas vos pièces. Donc du coup, les pièces, en l'occurrence, je les ai toutes envoyées en recommandé au préfet, parce que c'est quand même lui le chef, à la Voix du Nord, parce que j'ai quand même une confiance modérée dans l'État et ses fonctionnaires, au commissaire adjoint Étienne Churet, et au procureur. Donc voilà, il y a 4 recommandés qui ont été envoyés dans 4 sources différentes, pour être bien sûr que ça ne se perde pas dans un dossier. Le procureur donc demande un complément d'information sur cette affaire, et donc je suis convoqué 3 semaines après, en audition libre, pour m'expliquer sur cette affaire de diffamation. Et là, qu'elle n'est pas ma surprise de constater que, malgré l'envoi en recommandé des pièces et au parquet de Boulogne et au commissaire adjoint Étienne Churet, il n'y avait toujours pas dans le dossier l'ordonnance du tribunal administratif de Lille. Il s'était passé 3 semaines depuis l'envoi en recommandé, et l'accusé de réception que j'avais bien reçu, bien entendu, et cette audition libre. Et en 3 semaines, les pièces n'étaient toujours pas parvenues dans le dossier. Donc le lundi suivant, je suis allé au commissariat de Calais pour donc, porter plainte contre le commissaire adjoint Étienne Churet. Donc, pour, en vertu d'un article de loi qui s'intitule « Soustraction de documents en vue de faire entrave à la manifestation de la vérité », qui est quand même assez lourdement condamné, puisque tu peux te prendre 5 ans de prison et, je ne sais plus, 75 000 euros d'amende, dans le cas où tu es en plus dépositaire de l'autorité publique. Bon. Alors, le parquet de Boulogne s'est pas trop mouillé quand même sur cette affaire, parce que finalement, dans cette affaire de diffamation, la maire de Calais me fait citer en comparution directe, donc doit avancer les frais de procédure de justice. Sur la plainte que moi j'ai portée sur le commissaire Étienne Churet, bon, le procureur adjoint, le procureur estime que bon, c'est pas très clair, donc il n'instruit pas. Donc voilà, liberté à nous de nous porter partie civile, donc contre le commissaire adjoint. Tout cela devait être donc, en l'occurrence, pour une partie, décidé donc voilà, ces jours-ci, mais avec la grève des avocats, bon, ben, c'est repoussé à une date que je connaîtrai demain. Il est très important qu'on gagne ce procès. Pas pour moi. Je ne suis pas solvable. Et puis, à la rigueur, je m'en fous. Ça fait partie du prix du militantisme qu'on a ici à Calais. Mm-hmm. Mais c'est la liberté d'expression politique qui est directement... De toute façon, tous les aspects de la démocratie ici sont constamment attaqués à Calais. Donc, que ce soit au niveau du droit, tous les aspects. Donc c'est aussi un combat pour la liberté d'expression, avant tout. C'est aussi préparer les prochaines élections municipales, parce qu'on pourra se permettre d'y aller à cœur joie et d'afficher partout que Natacha Bouchard n'est pas si bien que ça. Et ensuite, c'est aussi arrêter ce déni de justice, parce que la justice a été rendue. Que la justice a été rendue, et qu'on ne peut pas étouffer une décision de justice comme elle le fait aujourd'hui. Donc, voilà, tout ça donnera lieu à de prochains épisodes prochainement. L'affaire n'est pas finie, quoi. Ouais. Voilà. Bon, j'ai fait un peu plus de 5 minutes. Non, c'est pas grave. De Bouchard qui va être nommé meilleur bourgmestre du monde. Il est nominé pour... On ne dit pas bourgmestre en France, on dit merde. Madame le maire. Madame le maire va avoir le prix. Donc, non, elle ne sera jamais élue meilleure maire du monde. Mais, enfin, je dis... Bon, on ne sait jamais, hein. Trump est bien président des États-Unis. Oui, c'est ça. Et Poutine a été réélu à moins de 80%. Donc, tu vois, tout peut arriver dans la vie. Ben, merci beaucoup, Laura. Ben voilà. J'étais un enregistrement. Je crois qu'on est resté concis sur l'affaire. C'est très bien. On est à peu près dans le temps. Nous nous approchons de la fin de ce petit reportage. Nous voulons bien remercier les amis qui nous ont aidés à le réaliser, qui ont suggéré de la musique. J'espère que c'était la bonne que j'ai trouvée. C'est pas toujours clair parce que parfois il y a des titres en arabe. En tout cas, c'était la musique du Soudan, de l'Afghanistan, Éthiopie ou Érythrée, je ne suis pas sûr, et du Maroc. Et de la musique qui est beaucoup écoutée par les migrants qui sont de passage à Calais. Chim matak she baish baish yele be mertan che salawat iska zal alam lela mala shalle mat nesh kalai kalai sagi ta tawach men endayu tawaderu naw belailu menim chenkat shin endayne kane garne she fikr yele تابي فتا فتا ود زاري لش كنيغا فتا بي فتا فتا ود زاري لش كنيغا تاي ودا ساكي تتعود نيت نشيد كاني بلاينو يم ودش بس سايدش مو تعلقش فتا بي فتا فتا ود زاري نشكني غا عسكري سبسب ከቀኑ የኛ ደስታ ያልኩሽ ለዚህ ነው ነይ ማታ ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር ሀሳብ ጭንቀቱን በቃ ተይና ሳቂ ተጫወት ፈታ በይና የነገን ነገር ላምላክ ተሺ በዚህ ምሽት ላይ ፍቅሬ ንገሺ ፈታ በይ ፈታ ፈታ ውዴ ዛሬ ነሽ ከኔ ጋር አስግሪ ሰብሰብ ነው አንተ